Alors, on va quitter le domaine de l'alimentation pour s'intéresser aux fleurs, mais pas n'importe quelles fleurs, des fleurs qui n'ont rien de poétique. Il s'agit de fleurs d'eau d'algues. Alors, Sarah Goubet est étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS et elle travaille sur la détection de ces fleurs d'eau d'algues dans les lacs. Bonjour Sarah. Bonjour François. Alors Sarah, en premier lieu, je crois qu'il faut expliquer ce qu'on entend par fleurs d'eau d'algues. Alors, ce qu'on appelle des fleurs d'eau, ou bloom en anglais, c'est lorsque le nombre de cellules augmente, beaucoup, jusqu'à former de grandes masses denses affleurant à la surface de l'eau. Alors, elles ont souvent l'apparence d'une purée de pois épaisse et souvent ont la couleur bleu-verte. Cependant, elles ne sont pas toujours faciles à voir, donc leur apparence change selon les conditions météorologiques, s'il y a du vent ou s'il pleut. Et leur apparence change également selon l'espèce dominante qui constitue la fleur d'eau. Ok, d'accord. Alors, les fleurs d'eau sont souvent composées de cyanobactéries, mais elles peuvent aussi se composer d'autres espèces. Alors, les fleurs d'eau d'algues est un sujet qui intéresse beaucoup en ce moment, et on pourrait penser que les cyanobactéries sont des organismes qui sont apparus récemment dans l'environnement. Or, ce n'est pas du tout le cas. Elles ont commencé à développer leur biodiversité il y a plus de 2 milliards d'années, et elles ont notamment participé à la production d'oxygène dans l'atmosphère. Il est important de noter aussi que les cyanobactéries constituent un groupe particulier d'organismes, présentant les propriétés photosynthétiques des algues, mais également les caractéristiques des bactéries. Donc, quand on parle de fleurs d'eau de cyanobactéries, on pense souvent au nom algues bleu-verte, mais il faut bien comprendre que du coup, ce ne sont pas des algues à proprement parler. Alors, comment on détecte ces blooms de cyanobactéries ? Habituellement, le moyen le plus sûr pour détecter la présence de cyanobactéries est l'échantillonnage in situ, c'est-à-dire le prélèvement direct en milieu naturel. Okay. Après prélèvement, on effectue des analyses sous microscope pour identifier les espèces de cyanobactéries que l'on retrouve dans la fleur d'eau, mais également on effectue des analyses en laboratoire pour quantifier la chlorophylle A, qui est un indice de biomasse, et aussi les toxines. Surtout lorsqu'après identification d'espèces, on s'aperçoit qu'il y en a certaines qui présentent un potentiel toxique. Mais ce système de surveillance peut devenir très vite laborieux et coûteux si on fait le suivi sur un ensemble de lacs. Et ça ne permet pas non plus de suivre de manière optimale le déplacement dans le temps et l'espace des cyanobactéries. C'est pourquoi l'équipe de recherche des professeurs Isabelle Lorion et Karem Chokmani de l'INRS Eau, Terre et Environnement, dont je fais partie, développe un protocole plus adapté pour détecter de manière rapide les fleurs d'eau d'algues dans les lacs au sud du Québec. Alors, si je comprends bien, un examen simplement visuel n'est pas suffisant pour... ça prend vraiment des analyses en laboratoire. C'est ça, c'est ça. Notamment parce que leur apparence change. D'accord. Alors, en quoi le protocole de détection développé par les équipes de l'INRS est-il différent? Alors, nous souhaitons exploiter un outil qui est beaucoup utilisé par la recherche ces 10 dernières années, l'outil de télédétection, pour générer la cartographie des fleurs d'eau. On peut ainsi cartographier leur répartition, l'intensité des fleurs d'eau de cyanobactéries, sur un ensemble de lacs d'intérêt pour notamment assister les gestionnaires de l'eau, ou encore pour étudier l'historique de développement des fleurs d'eau en fonction des conditions environnementales. Alors, le modèle développé au laboratoire du professeur Chokmani utilise les images du satellite MODIS de la NASA. Alors, ce satellite MODIS génère des images quotidiennement avec une résolution de 1 pixel est égal à 250 mètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour faire plus simple quand on parle de résolution? On imagine que les images satellitaires sont constituées d'un ensemble de petites surfaces carrées que l'on appelle communément pixels. Dans le cas de nos images, un pixel correspond en réalité à une surface de 250 mètres carrés. Ok, c'est la plus petite résolution possible, ça. Oui, exactement. Ceci nous permet donc de faire le suivi quotidien, vu que le satellite passe quotidiennement, des fleurs d'eau sur les lacs, et même de petite taille. Ah ben oui. Après, un point qui est non négligeable quand on fait de la recherche, c'est que ces images sont gratuites et disponibles sur une base diurne. Après, lorsqu'on obtient ces images satellitaires, on peut se poser une question. Est-ce que les résultats que j'obtiens par mon satellite, est-ce que les images que j'obtiens correspondent bien à ce qui est mesuré en réalité? Et c'est là l'objectif du projet sur lequel je travaille, c'est-à-dire valider les résultats que l'on obtient par l'imagerie satellitaire. C'est pourquoi on utilise deux sondes de fluorescence, une fixe et une mobile, et on continue l'échantillonnage in situ, c'est-à-dire le prélèvement au milieu naturel. Alors la fluorescence, en quoi elle nous aide? Eh bien, nos sondes créent un faisceau dans le orange. Ce faisceau excite la phycocyanine, qui est un pigment retrouvé dans les cellules de cyanobactéries. Grâce à cela, on connaît l'incertitude associée à l'exploitation des images satellitaires, mais également on peut étudier les fleurs d'eau dans les lacs encore plus petits, ou encore dans des zones littorales ou des zones un peu tortueuses qui ne sont pas forcément vues par les satellites. Mais quand même, on peut y trouver des cyanobactéries et elles peuvent s'y accumuler. Oui, tout à fait. Alors, si on s'intéresse à ces fleurs d'eau, c'est parce qu'elles représentent une certaine nuisance avec éventuellement des impacts socio-économiques, non? Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Tout d'abord, la formation de fleurs d'eau de cyanobactéries peut s'accompagner de nuisances sensorielles. Visuellement, une fleur d'eau, ça a un aspect assez désagréable, c'est assez ragoûtant et en plus, ça crée des mauvaises odeurs. OK, donc ouais, je comprends. Alors, sachant que les bordures de lacs sont très prisées par le développement immobilier et qu'en période estivale notamment, il y a de nombreuses activités nautiques possibles dans les lacs, eh bien, on imagine que les personnes sont très réticentes à nager dans l'eau où il y a une sorte de purée de pois nauséabonds qui flotte. Donc, c'est vrai que ça a un fort impact socio-économique. Mais aussi, si on parle de risque phytosanitaire, c'est que les fleurs d'eau d'algues peuvent produire des toxines, toxiques pour le bétail, les animaux de compagnie et même l'homme. Surtout les fleurs d'eau de cyanobactéries. Alors les cyanotoxines peuvent provoquer des gastroentérites, affecter le foie ou même affecter les systèmes nerveux et respiratoires. Il faut donc être très vigilant, s'informer pour savoir à quoi ressemble une fleur d'eau et ne pas confondre avec un autre phénomène qui est sur le lac, pour ne pas mettre à risque notre santé, celle des jeunes enfants et également celle des animaux. Donc, ne pas prendre à la légère, effectivement. Donc, les riverains sont concernés. Est-ce que les citoyens peuvent contribuer à votre projet d'une façon ou d'une autre? Effectivement, c'est une grande aide d'ailleurs pour mon projet, les citoyens. Ah oui, la contribution du citoyen. Oui, mais il faut quand même s'informer, savoir déjà à quoi ça ressemble une fleur d'eau d'algue. Alors, c'est facile et c'est possible sur le site du ministère de l'Environnement, car en effet, le ministère est responsable du plan d'eau d'intervention sur la gestion des fleurs d'eau de cyanobactéries au Québec. On peut également contacter les associations qui s'occupent de la gestion et de la protection environnementale des lacs. Un bon exemple que j'ai en tête, avec qui je travaille beaucoup, c'est l'association de l'Appel au lac Saint-Charles. Enfin, après s'être informé, après que l'on sait à quoi ressemble une fleur d'eau et que pendant l'été, on se balade autour d'un lac et qu'on voit à un endroit du lac une fleur d'eau, ben, j'invite les personnes qui repèrent ces fleurs d'eau à me contacter directement par courriel. OK. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse, Sarah? Oui, oui. Alors, l'adresse, c'est sarah.goubet. Alors, sarah, S-A-R-A-H, point, G-O-U-B-E-T, arrobase, E-T-E, point, I-N-R-S, point, C-A. Donc, si on me contacte rapidement, je peux agir rapidement, aller directement échantillonner ces fleurs d'eau, utiliser ma fluorescence pour détecter les fleurs d'eau et les comparer aux imageries satellitaires, et donc contribuer rapidement à la sauvegarde de la qualité des lacs au Québec. Et à votre projet aussi. C'est ça, exactement. Eh bien, c'est bien noté. Alors, si le printemps ou l'été prochain, mais parce que j'imagine que présentement, il est peut-être trop tard pour observer ce genre. Oui, là, il commence à faire froid, donc là, je vais de moins en moins sur le lac par rapport à cet été. Alors, si vous constatez une fleur d'algue, écrivez à Sarah Goubet. En fait, je vais redonner l'adresse, donc sarah.goubet@ete.inrs.ca. Et Sarah pourra ainsi entrer cette donnée dans ses recherches. Donc, vous pourrez contribuer finalement à son travail. Oui, je remercie d'avance. Je vous remercie beaucoup, Sarah. C'était vraiment très intéressant. Ben, merci, François. Alors, on va passer à quelques pauses publicitaires sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous parle des Inuits.